La représentation du cirque national, commencée depuis le 25 janvier au Grand Théâtre de Ramon, s'est clôturée le 26. Y ont assisté les ouvriers de nombreuses unités et les travailleurs, jeunes et étudiants de la province et du Ramon du Sud. Sur la scène, les acrobates ont présenté de façon idéologico-artistique l'ardeur révolutionnaire du peuple coréen engagé dans la campagne générale pour accomplir la stratégie quinquennale du développement économique de l'État. Par ailleurs, ils ont aussi donné leur représentation au complexe de Vinalon 8 février et à la fabrique de vêtements UNRWA de Tongwonsan.